Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un procès hors norme. Pour avoir reproduit les 12 caricatures danoises ayant déclenché la colère des musulmans aux quatre coins du monde, Philippe Wahl, le patron de Charlie Hebdo, journal satirique français, est assigné en justice. Un procès hors norme que Daniel Lecomte suit en temps réel, pour décrypter avec les acteurs clés les enjeux politiques, internationaux, médiatiques et idéologiques. On met Mahomet débordé par les intégristes. Et là il dit « C'est dur d'être aimé par les cons ». Et j'apprends par l'AFP qu'il va y avoir un procès. Pourquoi Charlie est attaqué? Pourquoi pas l'Express? Pourquoi pas France Soir, qui ont publié aussi des caricatures? Il y a des pressions sur nos témoins musulmans, hein, c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'il y a de vraiment raciste, de vraiment injurieux dans ces caricatures? Écoutez, madame, si ça ne vous saute pas aux yeux, je ne peux rien pour vous. Le terme islam musulman égale terroriste, si vous pensez que ça n'est pas raciste, alors moi je ne sais pas ce qu'est le racisme. Évidemment qu'il ne s'agit pas des musulmans, il s'agit des intégristes. Moi, je riais pour dire aux musulmans, mais vous faites partie de la démocratie française. Et là, on a le cœur qui bat, quand même. Bah là, voilà, on est dans la fosse aux lions, et puis il faut se battre. On était sur le terrain de comment vivre en société en se respectant les uns les autres. Mahomet, avec une bombe, ça ne convient pas. Il y a des libertés qui ne se discutent pas, qui ne se marchandent pas. C'est dur d'être aimé par des cons. Un documentaire de Daniel Lecomte, un DVD pyramide.